C'est un endroit unique au monde, un lieu où la glace et le feu se sont donné rendez-vous et où la nuit, il arrive que le ciel s'embrase. Aurore boréale, volcan, glacier et soleil de minuit, bienvenue en Islande. Cette île volcanique, la plus grande de la planète, présente une incroyable diversité de paysages. Déserts, fjords, vallées perdues, champs de lave, îlots en formation, un véritable paradis pour les géologues. Mais l'endroit est aussi très prisé des ornithologues, car cette terre émergée au beau milieu de l'océan Atlantique Nord est un point de passage pour de nombreux oiseaux migrateurs. Depuis près de 20 ans, ce pays singulier agit comme un aimant sur le photographe, géologue et naturaliste Arnaud Guérin. Il s'y est rendu 65 fois et lui a consacré de nombreux ouvrages. Le dernier en date s'intitule « Les deux saisons de l'Islande, du soleil de minuit aux aurores boréales » aux éditions Glénat. Dans un instant, Arnaud Guérin nous emmène à la découverte de cette terre de glace et de feu qui le fascine tant. Et en fin d'émission, Jamy Gourmaud, le Jamy de C'est pas sorcier, nous rendra une petite visite. Nous verrons qu'avec lui, l'aventure scientifique se vit au quotidien. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Spectateurs du monde entier, prenez congé de la civilisation pour les sauvages déserts glacés d'Islande. Scrutez sans peur le cratère sans fond d'un volcan ignoré. Faites la périlleuse descente vers l'inconnu. Durant des milliers de kilomètres de couloirs et de labyrinthes obscurs, vous découvrirez les immenses cavernes du centre de la Terre, jamais vues par des yeux d'homme. Venez vous perdre ici. Vous affronterez les dangers les plus inhumains, ici, au centre de la Terre. Extrait de la bande-annonce du film « Voyage au centre de la Terre » de 1953, inspiré par le roman de Jules Verne. Bonjour Arnaud Guérin. Bonjour. Alors ce n'est pas un hasard hein, si Jules Verne a imaginé le début de son voyage dans les entrailles de la planète, précisément en Islande. C'est pas un hasard du tout. Il imagine le point d'entrée pour le voyage au centre de la Terre sur un volcan qui s'appelle le Snæfellsnes. Le Snæfellsjökull exactement, donc le glacier de la péninsule du Mont des Neiges en islandais. Il a jamais mis les pieds en Islande et pourtant des scientifiques français sont allés faire la première carte géologique de l'Islande quelques années auparavant et Jules Verne s'en est inspiré très très largement d'ailleurs. Si on lit le compte-rendu des scientifiques, il y a des moments je pense qu'ils auraient pu réclamer des droits d'auteur. Ah oui, à ce point. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est une formidable façon d'envisager un voyage scientifique en Islande et de prendre conscience de ce que sont les sciences de la Terre, puisqu'à l'époque, Jules Verne prend parti dans le grand débat scientifique qui anime le moment entre les neptunistes et les plutonistes, ceux qui pensent qu'il y a un océan central et ceux qui pensent qu'il y a un feu central. Mmh. Et Jules Verne est neptuniste, il pense qu'il y a un océan central et d'ailleurs, dans le roman, si vous relisez le roman, au centre de la Terre, le professeur Lidenbrock découvre un océan central qu'il nomme de son nom. Donc Jules Verne, c'est vraiment un élément qui cristallise ce qu'est l'Islande alors qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas. Ouais, alors il aurait aussi pu utiliser l'Islande comme point de départ de son roman « De la Terre à la Lune hein, » parce que des astronautes et pas des moindres sont allés s'entraîner sur cette terre d'Islande. En plein milieu de l'Islande, dans les années 60, les astronautes de la NASA, avant d'aller sur la Lune, sont venus s'entraîner dans une caldeira, c'est-à-dire un volcan qui s'est effondré sur lui-même, qui s'appelle la caldeira d'Askja, qui est un des plus grands systèmes volcaniques d'Islande, qui est situé au centre, quasiment au centre géographique de l'île. Et ils sont venus là pour repérer les lieux et surtout se familiariser avec un paysage qui est plus un paysage terrien. Oui. Et je peux vous dire que quand on est là-bas, on a vraiment cette sensation d'être ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est une autre planète. Hein. Ce pays est absolument singulier. Quelle est la particularité géologique de l'Islande? Alors, l'Islande est la fille de la dorsale médio-atlantique, c'est-à-dire le plus grand système volcanique du monde, qui fait plus de 70 000 km de long. 70% des volcans sont sous la mer, sous l'océan. Et en Islande, eh bien, cette activité volcanique, qui est normalement à 3 000 mètres de profondeur, est à la surface parce que ça se double d'un autre phénomène volcanique qu'on appelle un point chaud, ce qu'on a à La Réunion ou à Hawaï, et qui sort juste de manière concomitante, juste sous la dorsale. Et ça a donné naissance à une île il y a un petit peu moins de 20 millions d'années. Et cette île est 100% volcanique. Cette île pourrait être considérée comme un énorme volcan. Donc on a le volcanisme normal d'ouverture de l'océan Atlantique. Alors là, pour comprendre comment s'ouvre un océan, on a les phénomènes sous nos yeux. C'est-à-dire que ce qui se passe normalement à 3000 mètres de profondeur dans les océans, hein, c'est cet endroit où les deux plaques tectoniques se séparent au centre de l'océan Atlantique, émerge c'est un point chaud qui a soulevé la couture, en quelque sorte. En fait, le point chaud apporte du magma de manière supplémentaire et donc a généré un énorme tas de cailloux qui est cette île qui est née. Normalement, pour voir ce type de volcanisme de dorsal, il faut aller avec le sous-marin d'Ifremer qui s'appelle le Nautil, à 3000 mètres de profondeur. On n'y voit rien, alors qu'en Islande, c'est le paysage que vous avez devant les yeux. Alors là, pour un géologue, c'est absolument le paradis sur Terre. Ouais, c'est un vrai bonheur. Alors, votre impression à vous, Arnaud Guérin, la première fois que vous êtes allé en Islande, c'était en 2002. Oui. C'est un choc. Ah, c'est un choc. Je me rappelle, j'étais côté hublot, à droite de l'avion, et en atterrissant à Keflavik, l'aéroport international, je voyais les failles qui lardent le paysage. On a la terre qui s'étire. On a presque l'impression que c'est dynamique. Et tout ce qu'on a appris en géologie et tout ce qu'on peut apprendre sur les sciences de la terre, on l'a sous les yeux. Et puis, il y a cette sensation, je me rappelle, c'était un jour de juillet, pas d'arbres, donc uniquement du géologique, uniquement du caillou, et puis des milliers de chants d'oiseaux partout. Et là, c'est vraiment ce qui caractérise l'été en Islande. Le bouquin est intitulé « Les deux saisons de l'Islande » parce que nous, on a l'habitude de vivre dans un pays à quatre saisons, mais l'Islande, c'est un pays à deux saisons. Et vraiment, l'été, on a le volcanique qui est vraiment animé par une formidable biodiversité qui est issue de cette position en plein milieu de l'Atlantique Nord qui fait que l'Islande est un véritable porte-avions ornithologique posé avec des espèces qui viennent d'Eurasie et puis des espèces qui viennent du continent nord-américain. On aura l'occasion d'y revenir, hein, à ces oiseaux de passage qui prennent refuge sur ce porte-avions ornithologique, comme vous le dites très bien. Le paysage se transforme régulièrement en Islande, c'est-à-dire que des îles, des îlots en tout cas, sortent de l'eau, apparaissent. Il y en a un exemple assez récent. Hein. 17 novembre 1963, aux confins des îles Vestmann, de l'archipel des îles Vestmann, au sud-ouest de l'Islande. Des pêcheurs sont là, c'est une des zones les plus poissonneuses au monde. Et un cuistot d'un bateau local voit la mer se mettre à fumer. On est exactement comme si on était dans Tintin, ouais. Hein, c'est exactement ça. Et bien en fait, c'est une éruption volcanique qui apparaît à la surface de l'eau. Et de cette fracture vont naître une série de quatre îles. N'en reste aujourd'hui qu'une qui s'appelle Surtsey. C'est l'île du géant Surtur, le géant des enfers de la mythologie nordique. C'est un laboratoire pour tous les scientifiques du monde entier. Et j'ai eu la chance, il y a deux ans, pour la série documentaire que j'ai fait pour Arte, qui s'appelle Des volcans et des hommes, de mettre les pieds sur cette île avec le spécialiste de Surtsey. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a là sous les yeux les phénomènes qu'on a mis des centaines d'années à comprendre dans l'histoire des sciences de la Terre. En quelques jours, on a compris tout ce qu'on essaie d'interpréter depuis des siècles. Et sur cette île, les scientifiques ont pu voir comment la vie s'installait progressivement. Parce qu'évidemment, quand cette terre fumante est sortie de l'eau, elle était totalement stérile. Et très rapidement, la vie a colonisé cet espace. C'est tout l'intérêt. C'est vraiment un laboratoire, puisque Surtsey naît de cette dynamique de la planète. Et en quelques jours, les premières bactéries arrivent. Et puis, les oiseaux vont arriver. On a suivi, les scientifiques ont suivi cette colonisation qui, aujourd'hui, est complètement folle. Et en fait, on s'aperçoit que la vie se développe d'une manière exponentielle. Et tout ça, c'est contrecarré par une autre force, qui est bien sûr la force de l'érosion, puisque ces îles, trois ont déjà disparu, et la dernière, Surtsey, est en train de se rétrécir au fur et à mesure des coups de boutoir de l'océan Atlantique. Quand les premiers humains sont-ils arrivés en Islande ? Alors, on pense que les premiers humains à être arrivés en Islande, ce ne sont pas des Scandinaves, ce sont des ermites, certainement irlandais, dans le sillage d'un personnage légendaire qui s'appelle Saint-Bredan. Et ces hommes sont arrivés sur la côte sud de l'Islande, sur une petite île qui s'appelle Poppe, ça veut dire l'île des moines. Et ils sont arrivés face au Vatnajökull, qui est la plus grande calotte glaciaire d'Islande. 8300 km², c'est plus grand que la Corse, hein, donc c'est gigantesque. Et bien sûr, ils ont donné ce nom à cette terre, ils ont appelé ça Iceland, la terre de glace. Ouais. On était au 7e siècle, hein, donc c'est assez tardif finalement, le premier pas de l'homme sur cette île. Tout à fait. Et puis ensuite, ce sont les Scandinaves qui arrivent un siècle et demi après. Eux sont païens, les moines fuient, et c'est le début de l'histoire de cette terre qui est vraiment spécifiquement scandinave. Et alors encore aujourd'hui, hein, les paysages influencent et inspirent les Islandais. Le climat aussi a une influence sur les habitants de l'île. Voici ce qu'en dit la chanteuse islandaise Emiliana Torrini. In England, people call a storm is like. En Grande-Bretagne, les gens parlent de tempête quand il y a juste un peu de vent. Mais ici, lorsque tu as 6 ans et sur le chemin de l'école, tu es obligé de t'accrocher à un lampadaire pour ne pas t'envoler. Dehors, c'est la tempête de neige. J'adore ça. Il y a d'énormes contrastes ici. Et je crois que ça se retrouve aussi dans les gens. Tu grandis ici, c'est le paysage qui t'accompagne partout et qui forme ton caractère et ta personnalité. Ça se retrouve dans la musique. C'est dans le sang. La chanteuse islandaise d'origine italienne, Emiliana Torrini, que pensez-vous de sa description des tempêtes d'Islande ? Le climat en Islande forge les gens. La nature forge les gens. C'est-à-dire que depuis la colonisation, depuis le Xe siècle, les Islandais sont mis à l'épreuve par les éruptions volcaniques, par ce climat, par ces tempêtes. Et ça veut dire qu'une fois qu'on est rodé à ça, que c'est presque dans les gènes des gens, on prête plus attention. C'est-à-dire qu'elle le dit parfaitement bien. En Angleterre, quand il y a une tempête, les gens sont chez eux. En Islande, on est dehors. Je me rappelle avoir fait un reportage sur les pêcheurs dans l'archipel des Vestmannaeyjar au mois de février. On a appareillé, il y avait 80 nœuds de vent. C'est-à-dire 80 nœuds de vent, le préfet vous ordonne de rester chez vous. Là-bas, on part au travail et on part en pêche. Il y avait 17 mètres de creux et c'était le travail. Vous dites, Arnaud Guérin, dans votre livre, que c'est une île sensationnelle au premier sens du terme. C'est-à-dire que on la ressent physiquement, cette île, en quelque sorte. Oui, j'ai l'habitude de dire aux gens qui partent en Islande et que j'emmène dans ces voyages, qu'il faut être étanche en Islande. Il faut être étanche parce que c'est un pays où il pleut beaucoup, il ne fait pas très froid, mais il faut surtout être étanche dans sa tête parce que le climat peut vous mettre complètement par terre. Par contre, d'un seul coup, il va y avoir une lumière qui va sortir et qui va révéler ces paysages qui sont des paysages que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc ça vous renverse complètement. Une autre chanteuse islandaise bien connue évoque ce paysage émotionnel. Emotional Landscapes, c'est Björk. Hein, vous y faites référence dans votre ouvrage, Arnaud Guérin. Oui, je me rappelle un de mes premiers voyages. Une amie islandaise m'avait dit « Tu verras, en Islande, tu ne seras jamais tout seul. » Alors c'était un peu énigmatique comme phrase. Elle me dit « Oui, tu verras, il y a la nature. » Et je suis parti avec mon sac à dos marcher dans les confins du volcan Hekla, qui m'intéresse parce que c'est le volcan le plus actif d'Islande. Il était considéré au Moyen-Âge par les moines de l'abbaye de Clairvaux en France comme la porte d'entrée des enfers quand même. Donc là, vous êtes dans un paysage d'une noirceur extrême, des coulées de lave partout, des pinacles partout. Et au bout d'une demi-heure, en fait, vous vous retournez parce que vous avez l'impression, vous sentez quelque chose. Et pour moi qui suis scientifique, j'ai pas du tout la sensibilité à fleur de peau comme ça, mais ça vous touche obligatoirement. Et vous sentez cette présence de cette nature qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ce paysage émotionnel chanté par Björk, on l'écoute pour se mettre dans l'ambiance. All these accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscapes. They pass on me, the riddle gets solved, and you push me up to this day. Inside of me, every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel. Emotional landscapes, they pass on me, I confuse. C'était Yoga de la chanteuse islandaise Björk pour nous accompagner dans ce voyage en Islande avec le géologue et photographe Arnaud Guérin. France Inter, du vent dans les synapses. Með hvítum hesti reið, hetjan bar sig vel í sæti. Þegar við vorum í ösku. Avant cette odeur de soufre, ce qui a été saisissant, c'est l'absence totale de son, de bruit. C'était tout à fait étrange et dérangeant. Ensuite, le bruit a surgi de la montagne. Oui, il a surgi de la montagne après tout ce silence écrasant. Souvenir d'une éruption qui a marqué toutes les mémoires en Islande et en Europe. Nous étions en 2010, éruption de l'Eyjafjallajökull. Je l'ai bien prononcé, parfait. Arnaud Guérin, je me suis entraîné avant. Que s'est-il passé exactement avec ce volcan islandais dont tout le monde se souvient? En fait, tout le monde s'en souvient parce que c'est ce volcan qui est un petit volcan a donné une éruption qui est pas une grosse éruption, mais qui est une éruption marquée par l'interaction entre le feu et la glace. Même si le magma, c'est pas quelque chose qui est en combustion, ce magma, il y a eu d'abord une première phase de l'éruption dans un col entre les deux volcans, entre l'Eyjafjallajökull et le Katla, qui sont tous les deux couverts par des glaciers. Ça donnait une éruption très touristique. Les gens y montaient avec les voitures, parce que en Islande, la relation que les gens ont avec les volcans, elle est tout à fait particulière. Quand il y a une éruption, tout le monde prend sa voiture et tout le monde va voir. Mmh. Dans la majeure partie des pays du monde, tout le monde fuit. Ouais. Mais là, tout le monde va voir parce que ce lien, on pense que la nature peut pas vous faire beaucoup de mal. Donc, et puis les éruptions en Islande sont relativement peu violentes, sauf quand il y a une interaction entre le magma et la glace. Et dans la deuxième partie de l'éruption, en fait, une fracture s'est ouverte et le magma a trouvé son chemin de manière préférentielle. C'était plus facile pour lui de remonter sous le glacier de l'Eyjafjallajökull. Et là, d'un seul coup, eh bien, ça change complètement de registre. On passe d'éruptions avec des belles fontaines de lave et des coulées de lave, très tranquilles, très, très touristiques, à une éruption qui est extrêmement violente, caractérisée par des explosions très, très fortes, dues au passage de l'état solide à l'état vapeur d'un élément qui est l'eau. Et ça va fragmenter le magma dans des tout petits morceaux qu'on appelle des cendres et qui vont donner ces panaches qui sont montés à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Et qui ont bloqué le trafic aérien pendant plusieurs semaines, hein, on s'en souvient. Et oui, parce que les volcans en Islande sont situés juste à l'endroit où naissent les dépressions atlantiques. Et les jet streams, ces vents dominants qui partent à plus de 400 km/h, vont emmener ces particules vers l'Europe. Le problème pour les avions, c'est que, bien sûr, il ne faut absolument pas passer dans ces panaches. Donc, d'un seul coup, on a fermé l'espace aérien et ça a eu des conséquences pour beaucoup de gens ici. Alors, par le passé, les éruptions de ce volcan, l'Eyjafjallajökull, ont été suivies de celles du Katla, qui est un volcan qui se trouve pas très loin. Mais les conséquences, si ce volcan entrait à nouveau en éruption, pourraient être bien plus importantes encore. Le président de l'Islande l'a annoncé aux Islandais en disant « On a eu l'éruption de l'Eyjafjallajökull, la prochaine éruption, normalement, c'est toujours suivi par une éruption de son grand frère d'à côté qui s'appelle le Katla. Ouais. » La dernière fois, c'était en 1918. C'est une éruption qui était catastrophique, mais simplement, il n'y avait pas d'avion à l'époque. Hein. Puis en 1918, on avait autre chose à penser que les conséquences de cette éruption volcanique. Mais on sait qu'aujourd'hui, les conséquences pourraient être vraiment catastrophiques pour nos économies connectées, surtout entre le continent européen et les États-Unis. Alors c'est un volcan qui se trouve sous la glace. Il y a beaucoup de volcans en Islande qui sont sous des centaines de mètres de glace. Voire des milliers de mètres. Quand vous êtes sous le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande, il y a une énorme caldeira, donc un volcan qui s'est effondré sur lui-même qui s'appelle la caldeira du Grímsvötn. Il y a quasiment 500, 600, voire 1000 mètres de glace. Et donc, il faut imaginer que l'activité volcanique va être contrainte par ce couvercle naturel. Donc, il va y avoir beaucoup d'activité à l'intérieur. Ça va créer une énorme poche d'eau. Ouais. Et cette poche d'eau va être susceptible de pouvoir sortir du cratère. Et elle va passer entre la pente du volcan, naturelle du volcan, et la glace qui le recouvre. Mmh. Et d'un seul coup, le glacier se rompt. Et donc, cette poche d'eau est libérée immédiatement avec des débits qui sont 1000 fois le débit de l'Amazone en crue. C'est absolument gigantesque. Ça emmène des morceaux de glacier et ça va venir nourrir les immenses déserts qu'on a sur la côte sud de l'Islande, qu'on appelle des sandars. Donc, ils sont des alluvions volcaniques. Et par exemple, lors de la dernière éruption du Katla en 1918, la côte a avancé de plus de 10 kilomètres. Ouais. Ce sont des véritables cataclysmes. On parle de crues volcaniques glaciaires. Alors ça reforme le paysage, mais ça fait d'énormes dégâts. Les Islandais parlent de ce qu'on appelle des Jökulhlaup. C'est un phénomène absolument gigantesque. On peut même pas imaginer l'intensité de ce phénomène. Ça dure quelques heures. La poche d'eau se vidange et ensuite il reste rien. Mais ça laisse sur ce littoral sud de l'Islande des immensités de sédiments volcaniques. Alors aujourd'hui, les glaciers islandais recouvrent 11% de la surface de l'île. Ce sont les vestiges d'une calotte bien plus importante, en fait. Oui, si on remonte il y a 20 000 ans, on était au maximum de la dernière glaciation. L'Islande était quasiment couverte par ce qu'on appelle un Inland 6, c'est-à-dire une calotte complète. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne la caractéristique de ces glaciers islandais. Les alpinistes de chez nous se trouvent très dépaysés là-bas parce que, en fait, sur les glaciers islandais, les Islandais, ils vont en voiture tellement la pente est faible. Ouais. On n'a pas de glaciers alpins comme chez nous, sauf dans très peu d'endroits. Donc, on a vraiment affaire à une calotte comme on a au Groenland. Et c'est vraiment les reliques de cette immense calotte qui couvrait l'île lors des glaciations. Et les effets du changement climatique se font-ils déjà sentir sur ces glaciers particuliers de l'Islande ? Non, c'est absolument terrifiant. J'ai l'habitude d'aller sur un glacier qui est au pied du volcan Katla, donc de ce glacier qui s'appelle le Mýrdalsjökull. Et cette langue glaciaire recule, mais j'allais dire presque à vue d'œil. Jusque dans les années 2000, les glaciers islandais avaient tendance à plutôt augmenter. On était plutôt assez optimiste pour l'avenir des glaciers islandais, en tout cas pour certains d'entre eux. Aujourd'hui, ils ont passé la marche arrière d'une manière phénoménale. Et moi, j'ai des repères sur le terrain. À chaque fois que je vais en Islande, je regarde ces glaciers reculer. Et surtout, ce qui est marquant, c'est la perte d'épaisseur. Comme on le voit partout, les glaciologues le disent partout dans le monde, mais cette perte d'épaisseur est phénoménale et c'est des volumes d'eau douce qui sont absolument gigantesques et qui partent directement dans l'océan. Comment les Islandais vivent-ils le changement climatique ? Alors, il y a des moments, ils le vivent avec le sourire parce qu'ils vous disent que dans le jardin, ils voient des arbres qu'ils ne voyaient pas fleurir avant. Ils les voient fleurir et ils disent que maintenant, ils ont un été. En fait, ils voient aussi que leur environnement change d'une manière phénoménale. Et par exemple, les pêcheurs ont vu arriver des espèces de poissons qui n'existaient pas avant. La plus célèbre d'entre elles, c'est le maquereau. Il y a 10 ans, on pêchait 0 tonne de maquereau en Islande. Maintenant, on en pêche des centaines de milliers de tonnes. Tout simplement parce que l'océan se réchauffe, la salinité change et que ces espèces colonisent de nouvelles aires, mais bien sûr, elles partent aussi de nos côtes. Donc c'est un équilibre nouveau qui est en train de se mettre en œuvre. Au-delà du changement climatique, est-ce que, comme dans d'autres régions du globe, des régions sismiques où il y a la peur du Big One, il y a cette crainte du jour où tout basculera chez les Islandais? C'est parce que nous, on n'habite pas dans un pays volcanique qu'on a cette crainte. Les Islandais, ils n'ont pas du tout de crainte par rapport à ça. Bien sûr que ça peut tout remettre en cause. Et au cours de l'histoire de l'Islande, qui est une courte histoire humaine, il y a déjà eu des éruptions comme l'éruption du Laki, où 25% de la population islandaise est morte de faim à cause des conséquences de l'éruption. Mais ils sont très fatalistes et ils ont une relation qui est une relation très apaisée avec la nature. Donc pour eux, il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis, il ne faut jamais oublier, c'est que l'île s'écarte au rythme de la pousse de vos ongles, c'est-à-dire de 2 à 3 cm par an. C'est la tectonique des plaques et ça se fait au fil de tremblements de terre. C'est l'océan Atlantique qui continue à s'ouvrir. Et les Islandais ont aussi appris à tirer profit de cette chaleur venue des entrailles de la planète et qui constitue une source d'énergie. Ici, on cultive des concombres, des tomates aussi, avec l'aide de Mère Nature. Vous voyez ce tuyau ? À l'intérieur circule l'eau d'un geyser qui est à 200 mètres d'ici. L'eau est à 95 degrés Celsius, en provenance directe du sol. L'énergie géothermique, c'est ça notre secret. L'eau de cette rivière est à 98 degrés. Ce n'est pas le meilleur endroit pour prendre un bain de pied, mais pour cuire des œufs, c'est parfait. Quand on cuisine avec la géothermie, on n'a pas besoin de matière grasse, car la pression est de 14 kilobars. C'est comme cuisiner à l'air chaud. Je pense que c'est un cadeau du ciel pour nous, les Islandais, d'avoir toute cette énergie qui sort du sol. Même si c'est vrai que c'est dangereux de vivre ici avec tous ces tremblements de terre. Mais on n'y pense plus, car quoi qu'il arrive, il y a cette énergie qui arrive tous les jours. Toujours la même température et la même pression, tous les jours, c'est parfait. Ólafur, un chef cuisinier réputé en Islande que vous avez croisé, Arnaud Guérin. Alors, il cuisine en utilisant le côté cocotte-minute de son île. C'est anecdotique ou ça se fait beaucoup là-bas? Non, ça se fait beaucoup. Il est dans un endroit qui s'appelle Hveragerði, sur la côte sud de l'Islande. C'est une petite ville où les Islandais vont passer leur retraite parce qu'il y a de l'eau chaude. Et donc on vit bien quand il y a de l'eau chaude. Le climat est un climat rude. Mais quand vous avez la source d'eau chaude dans votre jardin, vous pouvez aller prendre votre bain. Et puis l'hiver, vous regardez les aurores boréales. Donc ça s'appelle simplement le paradis sur Terre. Après, pour faire la cuisine, c'est une cuisine à l'étouffée. Il faut quand même faire attention aux éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur. Mais ça se fait tout à fait bien et c'est pas anecdotique du tout. Ouais. La chaleur qui provient des entrailles de la Terre est une source d'énergie utilisée plus largement. On utilise la géothermie en Islande? Alors, on l'utilise de manière importante. C'est même le premier endroit au monde où on utilise la géothermie. Ouais. Mais ça pose un énorme problème, qui est un problème qui a divisé pour la première fois les Islandais, c'est quoi faire de cette énergie. Et Björk a été vraiment dans les premières à prendre conscience de cet élément-là. Ça, avec les barrages, les Islandais ont beaucoup d'eau. Et donc, ces rivières glaciaires qui sont gigantesques, c'est une source d'énergie phénoménale. Le problème, c'est que les Islandais sont 330 000. Donc, la demande en énergie est relativement faible et on ne peut pas exporter cette électricité. Si on pouvait exporter cette électricité, l'Islande deviendrait un émirat énergétique. Mais aujourd'hui, il y a des projets de câbles pour alimenter les îles Féroé et puis ensuite l'Écosse. Ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, il y a des grands enjeux qui sont des enjeux environnementaux parce qu'on a fait venir de l'industrie lourde et en particulier des fonderies d'aluminium qui sont d'une industrie extrêmement polluante dans des endroits qui sont des endroits complètement sublimes sur les côtes de l'Islande, mais avec des conséquences environnementales qui peuvent être importantes. Alors, les beautés de la plus grande île volcanique du monde ne se limitent pas à sa géologie. Il arrive que ces paysages soient aussi sublimés par les lueurs du soleil de minuit ou des aurores boréales. Vous allez nous le raconter, Arnaud Guérin, dans un instant. Et puis, nous nous intéresserons aussi aux millions d'oiseaux migrateurs qui passent par cette terre émergée au milieu de l'Atlantique Nord. Il y a une forte odeur de soufre. Oui, oui, oui. Bon, en profondeur, à 20 mètres... Ouais. Il y a un courant de l'eau chaude qui coule dans un trou. Ouais. Et après, on remarque que de l'eau froide, d'accord, ça coule aussi dedans. Dans le gouffre? Oui. Petit par petit, ça remplisse. Mm-hmm. Ça devient plus chaude que 128 degrés, d'accord, Celsius. Et ça après, ça bouille. Ouais. Avec le vapeur, ça éclate comme... Voilà, et ça remonte à la surface. C'est assez simple, mais... Mais c'est spectaculaire. Bah oui. Ciel, sanglant sur C'était Il n'y a plus foule. Super, bravo. France Inter. Du vent dans les synapses. Ça y est, le soleil se couche. Ça y est, ça devient tout orange. Il est encore là, il est tout rond au fond de l'horizon. Bon, comme tous les couchers de soleil du monde, hein, c'est simplement, il va se relever dans une heure ou une heure et demie. Alors ça, par contre, c'est pas banal. Ça y est, il est quasiment couché, on le voit qu'à moitié. Il va disparaître, mais il fait encore plein jour. Le ciel est tout orange, rose, bleu. C'est beau, vraiment, c'est beau, très beau. Ça y est, il a disparu. Description du soleil de minuit en Islande. Voilà qui doit rappeler quelques souvenirs à notre invité Arnaud Guérin, qui vient de publier un très bel ouvrage aux éditions Glénat, Les deux saisons de l'Islande, du soleil de minuit aux aurores boréales. À quelle période de l'année peut-on observer le soleil de minuit, Arnaud Guérin, en Islande? En fait, je vais vous décevoir, on peut observer le soleil de minuit juste sur une petite île qui est au nord de l'Islande, qui s'appelle l'île de Grímsey. C'est le seul endroit en Islande où on peut voir réellement le soleil de minuit, c'est-à-dire voir le soleil à minuit. Autrement, en Islande, on est juste en dessous du cercle polaire, donc on voit le soleil disparaître, se coucher et réapparaître quelques dizaines de minutes après. Mais pour voir ça, bien sûr, la meilleure période, c'est autour du 21 juin. Ensuite, à partir du mois d'août, c'est le retour de la nuit. Et avec le retour de la nuit, en général, les gens trépignent, puisqu'il va y avoir l'arrivée des premières aurores boréales, qui est un phénomène qui a lieu en permanence, mais qui n'est visible que quand il y a de l'obscurité. Alors ça, c'est le phénomène lumineux après le soleil de minuit, les aurores boréales, que l'on peut observer pendant l'hiver, les longues nuits d'hiver d'Islande. Vous en avez vu de superbes, vous les avez photographiées, Arnaud Guérin. Décrivez-nous ce spectacle. Alors pour moi qui suis géologue et passionné de volcans, je pensais qu'il y avait un phénomène sur Terre qui pouvait vous scotcher, c'était les volcans. Et quand je suis allé voir pour la première fois les aurores boréales, j'y suis presque allé en traînant les pieds. Et d'un seul coup, ça m'a complètement scotché, si on peut dire ça comme ça. Vraiment, c'est un phénomène qui est un phénomène subjugant, parce que d'un seul coup, vous voyez le ciel qui se met à danser. Alors, c'est tout sauf une photographie. La photographie, c'est une vieille technique du 19e siècle qui fige les choses. Et là, vous avez quelque chose qui est évanescent, qui peut être très, très dynamique, qui peut être très coloré. Les variations sont très violentes, il y a des moments. Et c'est toute la voûte céleste qui se met à danser. Et il y a des moments, ça peut même être presque physique, sensationnel. Je me rappelle une fois au lac Mývatn, dans le nord de l'Islande. Le lac était couvert d'une fine pellicule de glace. Il faisait extrêmement froid et d'un seul coup, les aurores sont apparues pendant quelques minutes d'une intensité qu'on n'avait jamais vue. Et on entendait, ça faisait des wouh, wouh, wouh. Et ça, les Islandais vous le racontent, les scientifiques vous disent c'est pas possible, mais vous avez vraiment cette profondeur de champ qui est vraiment phénoménale. Quelles sont les couleurs de ces lueurs? Alors on a le vert, mais pas seulement, on a aussi des bleus qui peuvent être très profonds, tungstène, on peut avoir des orangés, on a des lumières qui peuvent être très blanches aussi par moment. Et je crois que le meilleur moment pour voir les aurores, c'est il y a des moments quand le ciel est nuageux et qu'on a une trouée entre les nuages et que cette lumière céleste perce. C'est vraiment sublime. Qu'est-ce qui génère ces lueurs dans le ciel? Alors en fait, c'est le vent solaire. Le vent solaire est lié à l'activité du soleil et on a des flux de particules qui s'échappent du soleil, qui vont mettre entre 2 jours et demi et 3 jours à parvenir dans la haute atmosphère. Et dans cette haute atmosphère, ce flux de particules va rentrer en collision avec les atomes qui existent dans la haute atmosphère. Ces atomes vont être excités et en fonction de l'altitude et de la nature des atomes, on va avoir des lumières qui sont de couleurs différentes, qui vont être émises. Et donc, c'est une expérience scientifique vraiment sensationnelle de voir ça, surtout quand on est dans un bain d'eau chaude chauffé par l'énergie tellurique de notre planète. C'est pour ça que l'Islande est vraiment unique. Ouais, aurore boréale, la glace, le feu, un tel environnement a de quoi enflammer l'imaginaire. L'Islande est le berceau de nombreuses légendes avec des elfes, des nains, des trolls. Beaucoup d'Islandais croient réellement aux elfes. C'est le cas, par exemple, de Ragnhildur Mandel. J'ai toujours vu les elfes. Un jour, lorsque j'avais 2 ans, on rentrait à la maison et je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, non maman, non, Pulda est restée dehors. Ma mère, qui n'avait jamais entendu ce nom, a ouvert la porte et a laissé entrer quelqu'un qu'elle ne pouvait pas voir. En Islande, les elfes ont leur mot à dire dans les affaires des hommes. Il y a quelques mois, ils auraient protesté contre la construction de cette route. Et c'est Ragnhildur, leur ambassadrice, qu'ils auraient choisi pour porter leur voix. Salut Gunnar. Je vois que vous avez bien réduit le tracé de la route, comme je l'avais demandé. Vous voyez le monticule, juste là? En fait, toute cette partie aurait dû être explosée. On a donc rétréci la route de 3 à 5 mètres, afin que le sanctuaire des elfes ne soit pas détruit. Extrait de l'émission Échappée Belle sur France 5. Alors ça commence comme un conte de fées, cette histoire. Et puis finalement ça devient très sérieux. On en vient à dévier les routes pour ne pas déranger les elfes, Arnaud Guérin. Oui, c'est le supplément d'âme des Islandais. C'est-à-dire qu'en Islande, on croit au peuple de l'invisible. Donc c'est des nains, des elfes, des trolls. Les trolls sont des personnages de la nuit. S'ils sont frappés par les rayons du soleil, ils sont pétrifiés. Et puis les elfes, si vous êtes en Islande, tout le monde se connaît. Et donc, si vous arrivez dans une communauté, que vous parlez parfaitement islandais, vous êtes plus beau que nature, les gens vont commencer à se méfier, vont regarder, et c'est certainement un elfe qui descend sur Terre. En fait, les Islandais ont cette sensibilité, qui est cette sensibilité liée à cette nature qui a été extrêmement forte. Ils ont vraiment ce sens unique de ces phénomènes qui les mettent à l'épreuve depuis qu'ils ont colonisé l'île. Ils sont arrivés avec leurs croyances nordiques et ils les ont laissés vaquer dans ces immensités islandaises. On a essayé de les contraindre avec l'arrivée du christianisme. Ils ont voté à main levée en juin de l'an 1000 de devenir chrétiens, mais ils n'ont jamais oublié leurs idoles. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se marient selon le culte de Thor et d'Odin. Donc, on a toujours ce vieux fond scandinave. D'ailleurs, on vient de passer Noël. Si nous étions en Islande, on aurait fêté non pas un Père Noël, mais 13 Pères Noël, qui sont des trolls qui vont mettre à l'épreuve les enfants pendant les 13 jours d'avant Noël. Et ça montre bien que, en fait, à chaque fois, on a cette relation qui est une relation tout à fait singulière et particulière à la nature, qui est extrêmement riche d'enseignements. Et puis cet environnement, cette nature est si intense, comme vous nous l'avez raconté depuis le début de cette émission, qu'effectivement, c'est la mise en garde que l'on vous avait faite lorsque vous êtes arrivé en Islande. Vous ne vous sentirez jamais seul. On a l'impression que la Terre est vivante. En fait, simplement, je pense que quand on est en Islande, on est beaucoup plus ouvert à la nature qu'ailleurs. Alors, vous parliez de cette biodiversité importante en Islande et notamment de ces oiseaux migrateurs de passage. Vous parliez en début d'émission de porte-avions ornithologique, parce qu'effectivement, au milieu de cet Atlantique Nord, il y a ce refuge pour toutes les espèces d'oiseaux de passage. Encore une fois, c'est lié à la saisonnalité et à la position géographique de l'Islande, idéalement située dans une zone où on a le soleil de minuit, donc on a la durée du jour qui grandit de manière exponentielle au printemps, et les oiseaux, la reproduction va se faire beaucoup plus vite qu'ailleurs à cause de ce qu'on appelle la photopériode, et donc des centaines de millions d'oiseaux vont venir se reproduire en Islande, que ça soit sur les côtes pour les oiseaux de mer qui sont très connus comme les macareux, etc., mais aussi pour tous les oiseaux d'eau qui vont coloniser la moindre parcelle. Et d'un univers qui est quasiment purement minéral, on va passer à une espèce d'arche de biodiversité qui est encore une fois très riche d'enseignements, puisque on va concentrer toutes les espèces, en tout cas bon nombre d'espèces, sur un territoire qui est un territoire qui fait un cinquième de la France. Donc pour les scientifiques qui étudient l'avifaune, et Dieu sait que l'avifaune est un thermomètre de la santé de la biodiversité sur la planète, et donc l'Islande est une terre tout à fait porteuse de sens pour eux. En tant que géologue et photographe, vous êtes allé, Arnaud Guérin, sur de nombreux sites volcaniques, et aussi pour la série documentaire Les volcans et des hommes pour Arte. Vous avez vu d'autres endroits sur Terre qui ressemblent à l'Islande? J'allais dire malheureusement non, et heureusement non, parce que l'Islande a ce site particulier, c'est que ses paysages, vous l'avez dit, je suis allé dans plein d'endroits qui sont des endroits, j'allais dire, classiques, volcaniques d'une manière classique, mais on a toujours de la végétation, on a toujours des arbres, on a toujours... Quand vous arrivez en Islande et que vous passez la frontière des 200-300 mètres d'altitude, vous rentrez dans un univers qui est purement minéral, et sur des surfaces qui sont phénoménales. Donc la sensation que vous avez est une sensation de début du monde. Vraiment, vous êtes dans l'enfantement tectonique de notre planète. et vous avez vraiment l'impression d'être le spectateur de ça, et c'est ce qui rend cette Islande si particulière et si unique. Merci Arnaud Guérin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, très beau livre mêlant textes et photos, vos photographies, vos textes, les deux saisons de l'Islande aux éditions Glénat. Et puis je signale aussi que l'on pourra découvrir votre exposition photo des volcans et des hommes sur les grilles de l'UNESCO à Paris à partir du 17 février prochain. Donc là, vous nous emmenez partout avec cette exposition photo, différents volcans. On partira de l'Islande et on ira sur 20 destinations à travers le monde pour découvrir la relation qui existe entre les hommes et les volcans. S'il faut dire que c'est 850 millions de personnes qui vivent au pied des volcans à l'échelle de la planète. Un grand merci à vous, Arnaud Guérin. Merci. Dans un instant, ce sera au tour de Jamy Gourmaud, le Jamy de C'est pas sorcier, de nous emmener dans ses aventures. No More Pennies, c'était Starcrawler sur France Inter et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Un générique qui a marqué plusieurs générations, celui de C'est pas sorcier, bien sûr, avec dans la remorque du camion, Jamy et ses maquettes. Bonjour Jamy Gourmaud. Bonjour Daniel Fievé. On retrouve un peu de l'esprit de C'est pas sorcier dans la bande dessinée que vous publiez chez Stock. Tu l'as dit Jamy, c'est le titre, les dessins sont de Leslie Play. Alors on y retrouve toute votre curiosité, votre plaisir à expliquer simplement les choses. C'est une aventure un peu loufoque hein, qui se déroule sur une journée. Les deux personnages, votre double et un poulpe rose qui parle, se lancent à la poursuite d'une éclipse de lune. Et chaque étape de leur périple est l'occasion d'un questionnement, d'une découverte dans des domaines aussi variés que la physique, la botanique, la biologie, la chimie ou l'astronomie. Comment est née l'idée de cette bande dessinée, Jamy ? L'envie de raconter une histoire à chaque fois et l'envie de partir du quotidien pour expliquer finalement tout ce qui nous entoure. En fait, il y a eu le premier bouquin, Mon Tour de France, des curiosités naturelles et scientifiques, et puis l'éditrice a très vite remarqué que il y avait un vrai intérêt de la part des collégiens, des lycéens, et puis dans une conversation comme ça, un peu à brûle-pourpoint, elle me dit « mais si on faisait une bande dessinée ?» Je dis pourquoi pas. Je lui dis mais je n'ai jamais fait de bande dessinée. Il me dit t'inquiète pas, on va trouver un illustrateur ou une illustratrice. Ça a été Leslie Play à qui ça a matché d'emblée. Mais l'idée c'était de faire une vraie histoire, une vraie bande dessinée, pas une encyclopédie, un abécédaire. Non, une vraie histoire, une vraie aventure au fil de laquelle, eh bien, on va décliner l'explication de phénomènes scientifiques. Mais en même temps, on peut lire cette bande dessinée simplement pour l'aventure. Ouais. Alors l'objectif de l'aventure, hein, des deux personnages, vous, en tout cas votre double et ce poulpe rose, c'est d'aller observer une éclipse de lune un peu particulière, ouais. Une super lune de sang. C'est tout quoi? Tout à fait. Alors la super lune de sang, c'est cette lune qui apparaît au moment d'une éclipse lunaire, bien sûr. La lune s'efface totalement dans l'ombre de la Terre et puis à un moment, elle réapparaît, elle ressurgit, mais à ce moment-là, elle ressurgit avec des teintes roses, orangées, rouges. Pourquoi ? Parce que une partie du rayonnement solaire qui passe à travers l'atmosphère de la Terre est déviée et vient arroser la Lune. Et ce sont les rayons qui correspondent à la couleur rouge qui sont déviés, qui forment une sorte de cône qui va venir éclairer la Lune et elle apparaît à ce moment-là avec ses teintes orangées, rosées. C'est pour cette raison qu'on l'appelle une super Lune de sang. Ouais. Elle est super parce qu'en plus elle est plus proche de la Terre. Absolument. Elle est au plus proche de la Terre. C'est pour ça qu'on dit super. Voilà. C'est ça. C'est le super et pour le rouge, c'est l'éclipse. Mmh. Chaque étape de la journée est l'occasion de s'interroger. Alors dès le réveil, hein, pourquoi le carrelage de la salle de bain nous semble plus froid que le parquet alors qu'il est à la même température? Pourquoi la porte du réfrigérateur est-elle difficile à ouvrir? En fait, ce sont les questions que se posent les enfants et que les adultes arrêtent de se poser, mais à tort. Voilà, et tout ça s'inscrit dans une histoire. Ouais, parce que l'histoire sûr. Du carrelage, c'est tout simplement parce que le personnage se décide à partir observer cette super lune de sang, il prend sa douche, il rentre dans la douche, et évidemment, et on l'a tous vécu, constaté, expérimenté, quand on a les pieds dans la douche, d'un seul coup, c'est beaucoup plus froid que le parquet. Tiens, comment se fait-il, puisque la température est exactement la même. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi la réponse, puisqu'on y est? Alors, la réponse, elle est liée à la structure du matériau, une structure cristalline pour la douche, hein, quand elle est en faïence ou c'est du carrelage. Et donc, les molécules qui constituent ces matériaux vont absorber davantage la chaleur de notre organisme. Vous savez que les flux thermiques vont toujours du chaud vers le froid. Eh bien, notre chaleur corporelle va se diffuser plus rapidement sur du carrelage que sur du bois. Le bois qui contient des fibres, qui contient des petites bulles d'air qui vont isoler tout cela. Donc on transfère plus notre chaleur corporelle, exactement. D'où cette sensation exactement. De froid. Oui, au niveau de la peau, à ce moment-là, notre chaleur part beaucoup plus vite. Donc, au niveau de la peau, eh bien, on a davantage froid. Alors, tout au long du parcours de votre double et de votre poulpie, les thèmes très divers sont abordés. L'origine du chocolat, les bassins hydrographiques, les allergies. Comment vous avez choisi tous ces thèmes qui émaillent le récit? Alors, c'est très drôle parce que quand pour écrire, je sais pas comment font les autres. Oui. Mais moi, pour écrire cette bande dessinée, je me suis isolé dans le sud, dans une maison sur laquelle il y avait un mur à peu près comme celui que j'ai devant moi, vide. Hein, il n'y a pas les petits stickers France Inter. Mais le mur était vide. Et alors j'ai mis un post-it avec le début de l'histoire. Voilà, je me réveillais. Je savais où j'allais observer cette super lune de sang et j'ai mis la fin. Et je me suis dit, voilà, il va y avoir un voyage. Et donc, j'ai construit mon aventure comme ceci, au fil de la journée. Donc, voilà, le personnage se lève, prend son chocolat. Tiens, j'ai envie d'expliquer ce que c'est que le chocolat. Il va chercher son journal. Il y a cette super lune de sang. Je l'explique, il prend sa douche, on arrive à la douche, etc. etc. Et il va partir dans son périple. Et évidemment, quand on écrit une histoire comme ça, eh bien, on pense à ce qu'on a vécu quand on était enfant. Vous me parliez tout à l'heure de la ligne de partage des eaux. Eh bien, quand j'étais enfant, quand on partait en vacances, mon père s'arrêtait toujours sur la pancarte « ligne de partage des eaux ». Et puis, on se racontait les uns les autres à quoi correspondait cette ligne de partage des eaux. Ben voilà, j'ai raconté cette histoire dans cette bande dessinée. Vous avez toujours été curieux. L'enfant que vous étiez, ça le suggère, hein, cette anecdote avec la ligne de partage des eaux, était particulièrement curieux. Alors, j'hésite entre le mot de « curieux » et le mot de comprendre. Je ne sais pas si enfant j'allais chercher. Je ne sais pas si j'étais vraiment curieux, mais quand je voyais quelque chose, j'avais envie de comprendre. J'avais envie de comprendre comment ça marche, comment ça s'organise. Mmh. Vous auriez pu être chercheur ou pas? Ce n'est pas la voie que j'ai prise. En fait, vous n'avez pas fait d'études scientifiques? Non, j'ai pas fait d'études scientifiques. Moi, j'aime beaucoup raconter. Et je suis journaliste, et c'est une autre vocation que celle d'enseigner. J'aime raconter, J'ai toujours voulu, quand j'étais enfant, devenir journaliste et non pas scientifique. Bah, il se trouve qu'à un moment donné, toutes ces disciplines se sont croisées et ont réussi à se marier. Ouais. Comment l'idée de l'émission C'est pas sorcier est née? Parce que c'est une émission qui est devenue culte, qui a duré 20 ans. Aujourd'hui, on la rediffuse encore. Mmh. J'imagine que vous vous doutiez pas de l'ampleur que cela prendrait. Ah, mais pas du tout. Quand on a créé cette émission avec Frédéric Courant, on pensait qu'elle aurait une durée de vie de 2-3 saisons, pas plus. Voilà. Et c'est né un peu comme est né ce bouquin, avec une envie d'expliquer le monde qui nous entoure. Mmh. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, cette envie est toujours plus grande, enfin en ce qui me concerne, parce que si on compare le monde, l'époque dans laquelle nous vivions il y a 25 ans, quand cette émission a été créée, et celle d'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de notions ont fait du chemin. On s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à l'environnement qu'on ne le faisait il y a 25 ans, et des notions qui, à mon sens, nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications encore aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, l'environnement est présent dans la bande dessinée. On a l'effet de serre, la disparition des insectes. Hein, vous arrivez évidemment à aborder aussi ces thématiques qui sont bien dans notre époque aujourd'hui, dans les préoccupations. France Télévisions a lancé sur sa chaîne en ligne pour enfants au cou une nouvelle émission inspirée de votre C'est pas sorcier à vous. Ça s'appelle C'est toujours pas sorcier. C'est présenté par Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry. Vous avez été consulté, on vous a demandé votre avis? Non. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Écoutez, pour le moment, je ne me prononce pas. J'attends de voir les différentes émissions qui ont été produites. C'est très proche de C'est pas sorcier, je trouve. On sent une pointe de reproche? Pas de reproche, c'est très très proche. Ouais. Vous auriez aimé être consulté? Je sais pas, je me pose même pas la question. Bon, d'accord. Voilà. Vous êtes passé à autre chose. En tout cas, vous aviez pas envie de donner une suite télévisée à C'est pas sorcier. Vous étiez passé à autre chose. Maintenant, il y a le monde de Jamy. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est très important parce que je pense que tout à l'heure, vous me posiez la question de l'origine de C'est pas sorcier. On pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Effectivement. Mais, toutes les émissions sont écrites pour avoir une illness pour mourir. Voilà. Donc, quand une émission s'arrête, eh bien, elle s'arrête et puis on passe à autre chose. En tout cas, pour ceux qui voudraient vous retrouver dans de nouvelles aventures scientifiques, il y a cette bande dessinée parue chez Stock. Tu l'as dit, Jamy. C'est très agréable à lire, très instructif pour les petits comme pour les grands. C'est comme C'est pas sorcier. Les adultes y trouveront leur compte. Merci, Jamy Gourmaud, d'être passé nous voir. Merci, Daniel. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes.